Selon le journal d'internet sud-coréen Tongilius, la solidarité pour la démocratie, la vie du peuple, la réunification pacifique et la souveraineté a tenu le 26 juillet devant le ministère de la Défense une conférence de presse pour demander la démission du ministère Han Min-gu qui est en tête pour la disposition du SAD. Par ailleurs, le même jour, les habitants de l'arrondissement de Songju de la province du Gyeongsang du Nord ont refusé le projet frauduleux du Parti pour un nouveau monde qui propose pour la mise en place du SAD la constitution d'un organisme consultatif qui réunit le ministère de la Défense, le Parti pour un nouveau monde, la province du Gyeongsang du Nord et le comité de lutte de Songju contre la disposition du SAD.